Job chapitre 40. Et l'Éternel parla encore à Job du milieu d'un tourbillon, et lui dit, « Sains maintenant terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'enseigneras. Anéantiras-tu mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? Et as-tu un bras comme le Dieu fort? Tonnes-tu de la voix comme lui? Pars-toi maintenant de magnificence et de grandeur, et revêt-toi de majesté et de gloire. Répands les ardeurs de ta colère, regarde tout orgueilleux, et là-bas. Regarde tout orgueilleux, abaisse-le, et froisse les méchants sur la place. Cache-les tous ensemble dans la poudre, et bande leur visage dans un lieu caché. Alors je te donnerai moi-même cette louange, que ta droite t'aura sauvé. Or, voilà le béhémoth que j'ai fait avec toi, il mange le foin comme le bœuf. Voilà maintenant, sa force est en ses flancs, et sa vertu est dans le nombril de son ventre. Il remue sa queue, qui est comme un cèdre, les nerfs de ses épouvantements sont entrelacés. Ses os sont des barres d'airain, et ses menus os sont comme des barreaux de fer. C'est le chef-d'œuvre du Dieu fort, celui qui l'a fait, lui a donné son épée. Et les montagnes lui rapportent leurs revenus, et c'est là que se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche dans les lieux où il y a de l'ombre, au milieu des roseaux et des marécages. Les arbres touffus le couvrent de leur ombre, et les saules des torrents l'environnent. Voilà, il engloutit une rivière en buvant, et il ne s'en retire pas vite, et il ne s'étonnerait pas quand le Jourdain se dégorgerait dans sa gueule. Il l'engloutit en le voyant, et son nez passe au travers des empêchements qu'il rencontre. Enlèveras-tu le Léviathan avec l'hameçon, et le tireras-tu par sa langue avec le cordeau de l'hameçon que tu auras jeté dans l'eau? Mettras-tu un jonc dans son nez, ou perceras-tu ses mâchoires avec une épine? Emploiera-t-il auprès de toi beaucoup de prières, ou te parlera-t-il doucement? Fera-t-il un accord avec toi, et le prendras-tu pour esclave à toujours? T'en joueras-tu comme d'un petit oiseau, et l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Des amis se régaleront-ils de sa chair? Sera-t-il partagé entre les marchands? Rempliras-tu sa peau de pointe, et sa tête entrerait-elle dans une nasse de poisson? Mets ta main sur lui, il ne te souviendra jamais de lui faire la guerre. Voilà, l'espérance qu'on avait de le prendre est frustrée, et ne sera-t-on pas même atterré par son regard?